Alors, bon, ce qu'on va essayer de voir, c'est trop loin, c'est essayer de bien comprendre comment est l'enracinement concret de l'enracinement très concret de la prédication de Jésus. Alors, c'est quelque chose qui est très difficile. Je m'aperçois qu'il est très difficile à comprendre pour un certain nombre de personnes qui vivent dans une société française et qui sont en particulier qui ont fait des études plus ou moins supérieures, intellectuelles, et donc qui ont une façon de gérer le rapport au réel spirituel de la même façon qu'ils gèrent le rapport au réel matériel. Je vais vous expliquer ça. C'est un problème très profond et on va le voir continuellement. Et Jésus fait un effort très précis pour le faire. Et nous avons vraiment à faire un effort très précis pour le comprendre. Quand vous êtes en face du réel et que vous voyez quelque chose se dérouler dans le réel, vous pouvez induire de ce que vous voulez des mots particuliers qui correspondent à des concepts, des choses que vous concevez en vous-même, vous le concevez bien, et il y a quand même un très gros enjeu, parce que vous pouvez à la plus fin oublier que ces concepts viennent du réel que vous observez. Même le réel de la vie, de la rencontre des gens, des choses comme ça, ce réel-là, vous pouvez avoir l'impression que vous le saisissez mieux quand vous créez des mots globaux qui expriment une chose. C'est en particulier le cas pour tous les mouvements qui représentent une moyenne de ce qu'on vit, une moyenne des réponses, une moyenne de la façon de vivre, une moyenne, etc. On est bien obligé de désigner quelque chose qui n'est pas juste ce qui vient de se passer, mais la réputation de ce qui s'est passé. Hein? Par exemple, vous allez dans un théâtre, et dans ce théâtre, vous avez beaucoup de gens qui se réunissent. Ils sont donc en train de constituer une espèce de collectivité, et cette collectivité va écouter les choses que les artistes vont mimer sur la scène. Bon, tant que vous êtes dans le cadre du théâtre, avec les acteurs en train de jouer, et si vous les suivez suffisamment, vous comprenez complètement le sens de la pièce, plus ou moins bien, mais à partir de votre expérience, vous suivez ça. Et puis vous avez remarqué que quand vous sortez dehors et qu'on vous demande de dire ce que vous avez entendu, vous êtes bien incapable de le faire simplement. Ça, c'est un truc absolument à faire aux enfants, que moi je faisais assez régulièrement quand je pouvais le faire, c'était de leur dire, bon, écoute, tu viens de voir un film, tu me le racontes. Et tu me le racontes, c'est-à-dire, et là on s'aperçoit que le gamin va dire des points qui l'ont marqué, et après il va faire des généralisations à partir de ce qu'il a vu. Ce qui n'est pas si mal, il faut bien résumer d'une certaine façon. Bon. Donc en faisant ça, on introduit des mots qui représentent une espèce de moyenne de ce qu'on a entendu. Et quand on a ça, on peut encore monter d'un cran et juger, par exemple, si la pièce était bonne au niveau du français qui était dit, au niveau de l'acteur, de tel acteur, etc. Donc on peut monter comme ça, et à ce moment-là, on va parler du jeu de l'acteur. Le jeu de l'acteur, ce n'est pas un jeu particulier, c'est la moyenne de ce qu'il a joué dans la pièce. Hein, donc petit à petit, vous partez d'un endroit où vous êtes présent à quelque chose. Alors j'ai pris le théâtre parce que c'est pas la vie réelle, donc c'est le même problème pour la vie réelle. Et c'est l'énorme danger des jeunes actuels qui vont trop au cinéma, qui vont trop devant un écran, etc. C'est que leur place dans le réel est moins claire que quand on vit réellement. Et inversement, vivant superficiellement, ils ont tendance à vivre superficiellement le réel de tous les jours. Hein, oui. donné, ça se réagit de façon ou d'autre. Bon. Ce que je veux dire, c'est que dans une société qui fait énormément appel à des activités comme ça, intellectuelles, de moyenne, de machin, etc., il est très difficile d'arriver à comprendre le monde spirituel tel qu'il est présenté dans l'Évangile. Parce que le monde spirituel qui est présenté dans l'Évangile ne peut parler des choses d'en haut qu'à partir des choses d'en bas qu'on a. Et comme le dit Jésus à Nicodème, si vous ne comprenez pas quand je vous parle des choses d'ici-bas, de la terre, comment comprendrez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Ça, c'est un problème fondamental, c'est-à-dire que il est bien vite évident que votre connaissance du monde spirituel, sauf les grands saints, n'est pas assez fine et large pour vous permettre de faire des concepts sur le monde spirituel. Autant vous pouvez le faire sur le monde matériel, soit celui que vous avez créé, ou soit sur celui que vous observez, en faisant des moyennes. Donc, pour que Jésus puisse nous informer sur quelque chose dans lequel nous ne sommes pas a priori des grands saints pourvus d'un échange spirituel continuel et entretenu et non pécheur avec, en fréquentant par exemple la parole de Dieu, comme pour que nous puissions le comprendre, il faut absolument revenir à quelque chose de très simple. Et donc, l'enseignement de Jésus sur les choses spirituelles part de choses concrètes, simples, qu'on peut voir immédiatement. Et il propose que toutes nos activités spirituelles soient comme ça reliées à des choses concrètes, matérielles, de façon à ce que nous ne décollions pas d'une analogie qu'on tirerait au plus près d'un réel auquel nous avons accès. Autrement, on va faire des généralisations sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc vous sentez bien que ça va aller à volo, le résultat. Donc la prédication de Jésus va avoir un cadre beaucoup plus concret que la prédication ou l'enseignement qu'on vous donne à l'école. C'était pas trop dangereux quand vous aviez des écoles de campagnards qui s'intéressaient à une vie agricole et qui avaient en plus une formation de tous les jours agricole et que tout le monde tournait dans ce monde paysan. C'était pas trop grave. C'était même plus grave pour les gens qui avaient une activité plus intellectuelle, surtout s'ils utilisaient une langue qui n'était pas leur langue commune. Donc c'est pour ça que Jésus parle la langue commune, il ne parle pas l'hébreu de la même façon que, vous entendez Molière se moquer à juste titre des médecins qui donnent des conseils en latin. On sent bien que là, on est en train de s'éloigner de quelque chose qui est compréhensible, qu'on va pouvoir adhérer, comprendre et avancer. Mais pour avancer dans le monde spirituel, il faut forcément avancer dans une relation plus étroite au monde réel. Il n'y a pas de mystique qui fonctionne éthéré. Ça n'existe pas, ça ne marche pas. Ce truc-là ne peut pas marcher. Ça ne peut marcher que si ils ont les pieds sur terre. Bien sûr que s'ils font un grand jeûne, ils ne mangent pas. Mais c'est évident aussi que s'ils font un grand jeûne, quand ils reprennent de la nourriture a énormément plus de sens. Et de goût. Donc, qui a un peu vécu pendant la dernière guerre et qui a eu faim, je m'aperçois que j'ai un goût beaucoup plus fin pour des choses très simples, les pommes de terre, le pain, des choses comme ça, que des gens, que mes enfants qui ont vécu dans l'abondance. Parce qu'ils n'ont pas eu l'écart entre rien et quelque chose, avec en plus la faim. Bon. Donc voilà, donc c'est la même chose au point de vue spirituel. Donc d'où la nécessité de faire des opérations comme ça. Donc là, on va essayer de comprendre cette fois quelle est la stratégie que Jésus propose pour la première évangélisation, de ce point de vue extrêmement concret, et en suivant la façon dont il développe son enseignement au cours du temps. Et une première chose qu'il met en place, c'est de mettre en place ça dans le temps réel. Dans le temps réel, ce temps réel comprend des anniversaires. Avant que vous veniez, là, je vérifiais dans des estimations, puisqu'on a fait quand même pas mal de travaux d'estimation dans le groupe Domaine de chronologie, etc., des évangiles. Et ben, on voit que c'est clair qu'il y a des dates clés et des anniversaires. Je vous donne juste un exemple. Il y a Pierre qui raconte dans l'évangile de Marc, noté par écrit par Marc, que Jésus est à Capharnaüm quand il reçoit une visite d'une commission d'enquête du Sanhédrin et que pour cette occasion-là, il fait un miracle, le miracle d'une paralytique. Eh bien, l'année d'après, dans les mêmes conditions, mais ce n'est pas exactement la même condition complète, mais c'est les mêmes dates, l'année d'après, en anniversaire de ça, il est à Jérusalem et il guérit un paralytique à Bethesda. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc ce n'est pas un fait comme ça. Jésus ne fait pas sa pédagogie au hasard. Il tient absolument à ce que les échos se trouvent. Et donc, les premiers échos, c'est les échos de l'organisation du temps. Alors, on va reparler de l'organisation du temps, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais c'est très important d'avoir cette organisation du temps. Alors, l'organisation du temps est une organisation typiquement mésopotamienne qui est liée au fait que dans toute la façade qui est du côté, pas du côté africain, de la zone entre l'Afrique et l'Inde, mais du côté qui est au-dessus, mais qui est du côté de l'Inde, vous savez qu'il y a un régime de mousson, un changement qui se passe, et ce changement se traduit par des pluies très fortes, et au commencement d'une saison dite des pluies. Et avant, vous avez une saison sèche. Bon. Ce schéma-là marche en Mésopotamie aussi, où il y a une saison humide et une saison sèche. Alors ce schéma-là, ça va conduire à ce que, comme on sait que dans la météo, chose que vous savez peut-être pas bien, il y a une assez grande sensibilité aux conditions extérieures de ce qui se passe. Le monde de la météo est un monde qui tient... Nous ne sommes pas dans une période glaciaire, nous ne sommes pas d'un hiver glaciaire, un machin, avec... voilà, c'est comme ça, c'est un peu plus tempéré que ça. Et donc c'est très sensible à des petites variations. Or, l'éclairement de la Lune est un éclairement qui n'est pas négligeable, qui n'est pas très important, mais qui est quand même, entre la pleine Lune et pas de Lune, il y a un écart de rayonnement de la Terre de quelques pourcents. Ces quelques pourcents sont suffisants pour avoir une influence sur le temps. Et donc, la mousson arrive toujours à un moment de changement de lune. Toujours. Donc, le calendrier des Mésopotamiens, qui ont bien remarqué que on passait à la saison des pluies, à un moment qui était lié à la pleine lune, dans le même sens, lié à la pleine lune, on repassait à la saison sèche. Donc c'était important de repérer l'année comme ça, pour qu'il y a des raisons astronomiques aussi de facilité de calcul, et parce qu'on détecte plus facilement dans un moment où il y a variation de la durée du jour que dans le sommeil où on a, quand c'est constant, c'est plus difficile à déceler. Donc, pour bien repérer ça, on a donc une année qui est réglée sur ce basculement du temps chaud, du temps humide, qui est plus caractéristique générée dans les plaines, dans les parties chaudes que le basculement ne chauffe pas. Et c'est un régime où on passe de ce qui est apporté par la mer, hein, l'air qui est humide, chargé d'eau dans la mer, ou un régime qui vient de la partie plus sèche là, du nord. Bon. Donc ce schéma-là va régler toute l'année. Et c'est bien à partir de ça qu'on s'aperçoit que le cycle lunaire faisant 28 jours en gros, eh bien on va définir un mois un peu plus que 28 jours parce que 29, on va définir un mois sur la durée lunaire, on va couper ça en quatre bouts parce que c'est facile à repérer. Hein. Il y a les deux extrêmes, pas de pleine lune et pas de lune, c'est facile à repérer, et puis on à l'œil, on sait assez vite repérer quand on est à la moitié de la croissance ou de la décroissance de la lune. Bon. Donc, là, on arrive à un jour, à un groupe de 7 jours, 7 fois 4, 28, et ça, c'est quelque chose qui est agréable parce qu'on se rappelle. Hein, je vous ai toujours dit que la taille, la bonne taille, c'est 6, 7. Hein. Donc, on se rappelle ça, donc on compte en semaine, et puis on va faire, etc. Bon. Alors, et après, il faut faire un calendrier qui soit suffisamment précis pour savoir à peu près. Si on veut faire des fêtes religieuses, comme les rendez-vous, les gens n'ont pas de montre, avec un petit cadran, avec la date, avec le machin, etc. Donc il faut que les gens sachent quand on fait des réunions. Et donc il faut que ça se repère. On va faire un système qui est repéré, avec un début d'année qui est peut-être imprécis, et puis après, par une succession de semaines. Bon, alors, donc voilà l'année, avec Pâques. Transition donc de la zone de pluie à la zone chaude. Et puis là, les tentes, l'inverse. Voilà. Et donc on tourne comme ça, quand on la met, comme le soleil tourne. Voilà. Et puis là, entre Pâques et Pentecôte, on va se faire 7 fois 7 jours, 7 fois 7, 49. Et donc le 50e jour, ça va être Pentecôte. Après, on va faire 2 fois 7 fois 7. Hein. Et puis on va arriver aux tentes. Puis après là, on va faire 3 fois et demi, 7 fois 7, hein, en 2 fois. Et avec ça, on aura fait le tour. Et on va avoir un multiple pas tout à fait complet de 7 qui va donner l'année. Bon, et puis on rattrape. Alors on rattrape, alors il y a plusieurs façons de rattraper. La méthode babylonienne, c'est de rattraper, en attendant qu'un mois entier, qui est un mois entier lunaire de décalage par rapport à un endroit qu'on sait bien repérer la position du soleil, et donc on rattrape en rajoutant la semaine. Donc ça va faire en gros tous les quatre ans. Mais on peut faire beaucoup mieux, et le calendrier babylonien est déjà d'une qualité équivalente à notre calendrier actuel, le 3000 ans avant Jésus-Christ. Alors que le calendrier romain n'est pas du tout très bon. Et puis on s'en est aperçu après, puisqu'on a fait des rattrapages. Voilà. Et puis le calendrier grec, qui n'est pas très bon non plus, parce que c'est aussi un calendrier. Alors c'est un calendrier de gens qui sont dans la partie plus au nord, et donc où le repère clair de l'achangement du temps sec au temps humide réciproquement n'est pas aussi clair. Donc c'est moins clair. Automatiquement, l'intérêt de faire cette étude précise n'est pas aussi grande. Donc on met des fêtes à cet endroit-là, Pâques et les cours de Pâques ici, puis on a un Pentecôte et ici des dédicaces. C'est donc un peu différent comme position dans les deux. Puisqu'il y a 7 fois 7, comme là-bas, plus 3,5 fois 7 pour un temps plus un demi-temps. Alors ça, c'est très babylonien. On compte souvent sur base 7 à cause de ça. Et la base 7 est intéressante parce que on sait avoir 7 de la façon suivante. Un temps, deux temps et la moitié d'un temps. Hein, vous voyez, ça fait 3,5, c'est-à-dire la moitié de 7. Hein, voilà. Et quand on fait des jours entiers, donc vous aurez un temps de 2 jours, plus 2 temps, ça fait 6, et puis c'est le 7e. Un temps d'éteint, le dire un temps. Donc vous entendrez ça régulièrement dans les textes bibliques, hein, ce schéma-là. Bon. Alors, ça, c'est lié à une astronomie concrète. De la même façon, on se donne rendez-vous à 4 heures de l'après-midi, non pas à 4 heures de l'après-midi, mais à ce qu'on sait être une heure après le premier quart, 3 fois 4, 12, le premier quart du soleil. Donc ça change en fonction de la durée du jour, hein, non, dans les vérités, mais ce n'est pas le problème. L'heure n'est pas repérée en valeur absolue comme sur la montre, elle est repérée entre le lever et le coucher du soleil. C'est-à-dire qu'elle est repérée par la position du soleil. Donc avec un petit peu d'habitude, on peut savoir par la position du soleil, d'abord à quel moment on est dans l'année, et puis à quelle heure on est. Bon, c'est pas très précis, mais quand les gens sont un peu entraînés, c'est à 10 minutes, quart d'heure près. Quoi. C'est à peu près comme la position de vos montres, si vous aviez supprimé les chiffres de référence. Ouais. Ce serait différent quand vous jetez un coup d'œil rapide. Là. C'est à peu près la même chose. Donc c'est pas imprécis. Ces gens-là sont des gens précis. Et donc l'histoire qui est faite par ces gens-là est une histoire sérieuse. Hein? C'est pas une histoire. Et il faudra très longtemps au monde gréco-latin pour arriver à faire une histoire de la qualité de ce qui est fait en amont. Bon, alors voilà. Donc première chose, c'est le problème du cycle. Alors, c'est évident que dans un endroit où il y a du mouillé et de l'humide, il est important de savoir se mettre à l'abri de la pluie. Et donc il y a une grande différence entre les temps où on est à la pluie, donc dans la maison, à l'abri, et les temps où on est dehors. Bon. Et ce schéma-là se représente de la façon suivante, c'est-à-dire que systématiquement, dès que la chaleur vient, on ne dort plus dans la maison, puisqu'on n'a pas à se protéger de la pluie, et donc on dort sur le toit de la maison. Si vous avez ces petits toits là, un petit peu comme ça, alors ça a deux intérêts, d'une part c'est à l'intérieur, ça permet d'avoir une vue un peu au-dessus, qui est important pour avoir pas trop chaud l'été, mais ça permet de dormir l'été, parce que c'est plus agréable de dormir sur quelque chose qui est comme ça, que sur le plan. Là, vous n'avez pas besoin d'emporter des oreillers, des choses comme ça. Bon, voilà. Donc, vous n'avez jamais pensé que cette petite maison-là, c'était un endroit sur lequel on dormait la nuit? C'est une bosse? Bon, voilà. Donc, je vous donne des petites choses très simples. Hein. Voilà. Donc on a un problème qui est de savoir comment on va enseigner dans ces pays-là l'hiver. Et pourquoi on enseignerait l'hiver? Ben, on ne va pas enseigner l'hiver s'il fait vraiment mauvais, parce que s'il fait vraiment mauvais, on ne va pas être dehors pour travailler la terre, pour faire des choses comme ça. Et donc on va être dedans, et donc on n'a rien à faire, et donc c'est le moment où on peut enseigner. Donc il y a un enseignant dans chaque village, et cet enseignant dans chaque village va faire l'équivalent de ce que font nos instituteurs. Et la Bible avait prévu que cet enseignement serait fait par une partie du peuple hébreu, parce que la notion d'enseignement est viscérale dans un peuple que choisit le Seigneur pour porter une tradition. Si on porte une tradition, il faut qu'on la prenne et qu'on la transmette. Donc l'existence de l'humanité s'effondre quand elle ne fait plus à l'intérieur d'elle-même son rôle d'école. Hein, c'est pour ça que des soucis des gens qui étaient contre l'Église a été d'essayer de faire disparaître l'école. Première chose. Donc à ce moment-là, n'étaient plus transmis des choses qui étaient importantes pour la vie. Et il fallait surtout créer des distractions équivalentes pour qu'on ne fasse pas ça. Et vous avez remarqué que dans les grandes sociétés chrétiennes, il y a énormément de points de repère, de fêtes, de choses comme ça, qui correspondent justement à rythmer le temps. Et donc Jésus fait la même chose avec ses apôtres, il va faire systématiquement des pèlerinages de la Galilée où il est jusqu'à Jérusalem et retour, et à chaque fois il va prendre des trajets différents, ce qui fait que dans les 3 ans et demi où il enseigne, il y a 3 ans et demi, pendant 3 ans et demi où il enseigne, eh bien, il va faire comme il y a Tous les ans, il y a quatre fêtes où on peut se réunir à Jérusalem dans les environs. Ben, ça fait 14 trajets du nord au sud et retour. Vous voyez, ça fait 14 trajets, aller et retour, ça fait 28 trajets. Donc vous avez bien compris que dans ces 28 trajets que Jésus fait à peu près toujours, eh bien il va pouvoir balayer ce petit pays par tous les chemins possibles. Et donc la bonne nouvelle va être annoncée à l'ensemble, moyennant une marche continuelle. Les apôtres vont marcher continuellement. Et puis, donc en dehors d'aller pour les fêtes, peut-être pas toutes, etc., pour une partie de choses, et là donc c'est peut-être pas ces 28 fois, mais au moins une vingtaine de fois. Et en tout cas, à tous les coups, pour les grandes fêtes, pour les deux grandes fêtes, c'est-à-dire qui rythment l'année, c'est-à-dire pour Pâques et les tentes, Jésus va faire ça. Et donc il y aura un premier type d'enseignement, qui est l'enseignement en marchant. On appelle la halakha, c'est un mot araméen, c'est pas une invention du Talmud, c'est l'invention d'Israël et puis de la Mésopotamie. Donc on marche, et quand on marche, eh bien on apprend. On apprend, par exemple, quand on va à Jérusalem, on apprend les psaumes de la montée à Jérusalem. Les psaumes de la montée à Jérusalem qu'on apprend en faisant régulièrement. Donc quand on fait très régulièrement ça et qu'on est attentif, on sait ce recueil des montées. Voilà. Et ça c'est la première chose. Et deuxièmement, quand on est à l'abri de la pluie, on va échanger dans une maison pour être à l'abri de la pluie. Il n'y a pas, en dehors de la maison où on enseigne, qui est la synagogue, on n'a pas d'autres maisons, on n'a pas des maisons partout pour choses, on a chez... Donc il faut être suffisant. Donc il y a pour Jésus l'obligation de rentrer dans les maisons et d'échanger dans les maisons. Alors il faut savoir aussi que pour Jésus, on entend parler de temps en temps d'hôtellerie, mais c'est assez exceptionnel. C'est sur les grandes routes, il y a effectivement de temps en temps des hôtelleries, mais c'est très rare. Normalement, ça ne fonctionne pas comme ça. Normalement, dans chaque village, les gens qui sont riches ont une partie de leur maison qu'ils affectent aux hôtes de passage. Donc, c'est des bed and breakfast, si vous voulez. Donc, ils ça, et qui leur servait. Donc ces grandes maisons servent aussi pour les mariages, pour les grandes fêtes, etc. Donc il y a besoin qu'il y ait des maisons pour l'hiver, et il y a besoin aussi pour l'été, si on veut se tenir à l'abri du soleil. On peut se tenir sous les arbres, etc., mais c'est pas toujours pratique. Voilà. Donc, la prédication de Jésus va se promener continuellement, c'est une promenade continuelle, une marche continuelle. C'est facile à voir parce que quand je vous dis 7 ici, ou 2 fois 7, ça fait 14 semaines, là, voilà, etc. Quand je vous dis ça, il ne faut pas plus d'une semaine pour aller du nord au sud d'Israël. Les gens marchent vite. Les gens marchent vite. Et il y a 200 km. Donc, entre, sauf si on est tout à fait en haut, vers Dan, vers les sources du Jourdain, ou qu'on est tout à fait en bas, vers Beersheba, mais dans la partie centrale, on a 150 km. On fait 40 km par jour régulièrement. Jésus fait toujours 40 km par jour quand il se promène. Donc, vous voyez, c'est pas un problème difficile. Il faut 4 jours, on a même le temps de s'arrêter, etc. 40 km par jour, c'est des gens qui marchent vite. C'est énorme, 40 km. Oui, parce que j'ai pas l'habitude. Ah oui, bien sûr. Jérusalem, hein, en 4 jours. Ils portaient leur bagage sur eux ou ils avaient des animaux pour porter le bagage? Alors, vous savez qu'il y a les voitures de l'époque, c'est les petits ânes. Hein. Donc, et on peut louer un âne partout. On loue là, hein, et puis on s'arrange parce qu'il y a des gens. Tu le rends à un tel à Jérusalem, et puis voilà. Et puis on reprend un tel et on va sur le sol, etc. Donc c'est un peu en libre service les hommes. Hein. Donc dès qu'on a trop lourd de paquets, on prend un âne. Hein. Et puis donc l'âne trottine et suit tranquillement. Parce qu'il sait aussi que sa nourriture dépend des gens qui portent. Donc ça marche très bien le système des ânes. Il ne faut pas l'oublier, hein, ça, parce qu'on croit toujours que. Non, il y a beaucoup d'ânes. Hein, c'est quand Marie descend pour la nativité, descend de Nazareth à Bethléem, elle descend sur un âne. Elle ne veut pas marcher à pied, c'est pas possible. Par contre, Joseph, lui, fait ses 30-40 km tranquillement. Il y a 120 km, 130 km. Ça fait quoi? Même pas. Je pense pas. Ah, si, je crois pas. Peut-être. 120 km. Oui, 120 km. Donc 4 jours, tranquille, 30 km. Ça devrait être 140 km pour faire 3 jours et demi. Oui, ça serait encore mieux de faire 3 jours et demi. Voilà. Donc en tout cas 30 km par jour, c'est rien. C'est 5 heures. C'est 5 heures dans une journée. Le reste de la journée, il reste des tas de choses, des tas de temps libre. Hein. Sur les 12 heures d'une journée, c'est que la moitié du. C'est que la moitié du temps. On marche la moitié du temps, c'est pas. C'est simplement parce que vous n'avez pas l'habitude. Hein, je vous signale que quand la grande armée est allée en Russie, c'était le tarif, hein, c'était 35 km par jour. Hein, donc les petits Français de l'époque, je ne sais pas combien, c'était 2500 km, peut-être Moscou, quelque chose comme ça. Hein, ça voilà. Bon, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que, bon, on est en train de rentrer petit à petit dans comment et quand Jésus transmet. Et comment et quand on met en soi. Et est-ce qu'il dit la même chose quand on marche sur la route et quand il est assis dans une maison? Et la réponse est non, bien sûr. La réponse est non. On ne dit pas la même chose parce que, en particulier sur la route, de temps en temps, on se donne du courage et donc on chante. Et quand on est religieux, on chante un psaume, tout bêtement. Et donc les psaumes, la plupart des psaumes, ont un rythme pour la marche. En araméen, je suis désolé, à ce moment-là, les psaumes ne sont pas récités en hébreu, sauf au temple, par conservatisme. Autrement, dans les synagogues, ça ne marche pas autrement. Donc voilà. Donc on est en train de dire que Jésus a beaucoup utilisé ce système-là, qu'il suppose qu'on aille dans des maisons très souvent. Donc les rencontres avec les gens sont la base de ces voyages. Il n'arrête pas de rencontrer les gens. Il n'arrête pas de coucher dans des maisons différentes. On emporte avec soi un manteau épais qui sert de couverture de ce qu'on veut, etc. Et puis, si on a la chance, l'autre vous reçoit en donnant de l'eau pour vous laver les pieds, ce qui est très agréable. Voilà. Et puis, et ils ont tous des sandales aux pieds, parce que c'est très difficile de marcher en Palestine, parce qu'il y a beaucoup de pierres. Et donc les sandales sont vraiment utiles, mais enfin ça n'empêche pas que beaucoup de gamins n'ont pas de sandales, et beaucoup de gens n'ont pas de sandales. Les gens pauvres n'ont pas de sandales, mais Jésus a des sandales. Et même certains peuvent avoir des souliers, ce qui n'est pas mieux, parce qu'il y a aussi de la boue. Quand il pleut. Voilà. Bon, donc il y a ça. Donc quand on parle de maison, il faut dire que Jésus a mangé énormément. Et vous avez vu, quand on écoute l'évangile, vous avez très souvent des repas. Et ça, Jésus fonctionne. Et d'ailleurs, on le reproche On lui reproche de manger partout et d'accepter d'être reçu partout, alors que bien sûr les gens... Parce que il y a chez les pharisiens un système extrêmement au point qui marche très très bien, qui consiste d'ailleurs à prendre la place des instits. Les instits, d'après la Torah, c'est les Lévites. Hein, c'est la tribu de Lévi qui enseigne. Et mine de rien, ils sont en train de prendre la place de la tribu des Lévites. Et en fait, ils se font un petit réseau entre eux, où ils se reçoivent entre eux, et ils ne se reçoivent qu'entre eux, ils se reçoivent très bien, et avec très conformément à tous les commandements, ce qui permet de mettre dehors tous les gens qui ne sont pas assez pieux, assez ceci, assez cela, et donc ça vous donne un petit réseau de pharisiens dont on voit très bien la présence dans les évangiles, quand on fait un peu attention. Ce petit réseau des pharisiens, le pharisien qui invite Jésus parce que il est parlé par un autre, et puis voilà, il voudrait voir par lui-même, donc il va l'inviter au passage. Voilà. Bon, alors donc, maintenant qu'on a fait ça, je vais essayer de vous rendre compte un petit peu de comment ça marche. On va essayer de faire. Alors, j'ai mis là-dessus, voilà, un certain nombre de villes. J'en ai mis 25. Pourquoi 25? Parce que c'est 2 fois 12, hein, gros. 2 fois 12, il y a 12 tribus, hein, Jérusalem. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est quand Jésus envoie vers les villes, c'est les villes, c'est les chefs-lieux de chacune des 12 tribus. Donc, c'est un trajet comme ça, hein, il est continuellement en train d'aller faire, puis il y a des petits tours en plus à côté, là, voilà. Donc c'est ça son schéma de base, il y a des routes qui relient tout ça, et puis il va en plus envoyer plus spécifiquement au chef-lieu de chaque tribu, là, il y a une ville qui est au centre d'une tribu, alors elle peut avoir changé en fonction du temps, hein, c'est pas forcément stable dans le temps, et dans cette ville, Jésus va spécialement parce qu'à cet endroit-là, il y a une plus grande synagogue où il peut venir avec éventuellement avec ses 12 apôtres ou avec plus que les 12 apôtres quand il y avait 72. Vous sentez que quand on arrive avec 72 personnes dans un petit hameau de 10 maisons, ça ne marche pas. Hein. Donc on dort dehors. Mais si on veut arriver avec une foule comme ça, comme ce qui suit Jésus souvent, bon, on va dans les villes principales. Et puis après, dans les chemins, au cours des chemins, on passe par toutes les petites choses. Voilà. Donc, je vais maintenant essayer de faire un petit jeu avec vous. Je ne sais plus comment je fais ça. Je vais essayer de faire. Alors, je vais essayer avec vous de voir un petit peu comment se rythme le temps au cours des problèmes de Jésus. Alors, j'ai mis ici ce qui correspond, si vous voulez, on va peut-être le préciser un peu mieux, en essayant de mettre du soleil ou quelque chose comme ça, au moment où il y a la semaine, l'été c'est pas mal. Donc on va mettre, bon, ça ne marche pas trop, mais c'est là que tout est mieux. Voilà. Bon, ça c'est du soleil. Voilà. Voilà. Puis là, il y a la pluie. Je ne sais pas comment on met de la pluie. Puis là, on va mettre de la chair. Voilà. La différence qu'il y a entre la saison chaude, la saison sèche, et puis la saison des pluies, comme nous on appelle l'hiver. Voilà. Mais c'est plus large, parce que c'est la moitié. Alors, on va essayer de voir ce que fait Jésus. Alors, première histoire, nous sommes... Alors, là, on va de Pâques 26 jusqu'à Pâques 27. Pour vous qui raisonnez en occidentaux, le passage de 26 à 27, ou de changement d'année occidentale, ça se passe ici, sur ce trajet-là. C'est-à-dire que là, on est le 31 décembre, et puis c'est le 1er janvier. Et puis Pâques, et là, va être quelque chose entre mars et avril. Mars-avril. Mais ça va changer toutes les années. Hein. C'est pas, c'est attaché à la Lune. Hein. Donc c'est attaché à la Lune. Donc ça va changer un petit peu. Et puis, donc, on peut rajouter là pour que. Il y a des petits mots qui manquent pour que 26 soit complet. Voilà. Et puis, on se pose une question intéressante, c'est, on lit l'Évangile, et l'Évangile nous dit que, avec une grande précision, nous dit que, alors attendez, on va lire ça, ça va être une voie du problème de traduction, tout simple, ça va être assez rapide. On va prendre le texte au début de Luc. Hein. Voilà. Alors, voyons voir. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de Judée, Hérode, prince de Galilée, son frère Philippe, prince de Tarpézère, Lysania, etc., les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans les airs à Jean, fils de Zacharie. Bon, il parcourut la région. Alors, bon, c'est important parce qu'à ce moment-là, on est en train de parler d'une allusion à Isaïe, etc. Et alors, dans cette allusion à Isaïe, on parle aussi d'une année de grâce qui est donnée par le Seigneur. Mais cette année de grâce, Jésus ne va la commencer que ne va en parler que l'année d'après quand il vient à Nazareth. Hein? Donc, voilà, donc. Et on lit la chose suivante. Au moment de ce début, Jésus était considéré comme fils de Joseph. Et puis, un petit peu plus loin, on me dit, Jésus, tout de suite après, on me dit que Jésus avait environ 30 ans. Hein? Donc, Jésus a environ 30 ans. Oui, alors, en fait, on aurait bien, c'est pas environ du tout. Et l'allusion à Joseph n'est pas tout à fait au hasard. Parce que, quand Joseph a 30 ans, c'est le moment où il commence son activité de devin auprès du pharaon et qui va être retenu par de devin, si on peut dire. Enfin, il lui explique son grand rêve avec ses aînés, ses vaches-mères, etc. On a gardé la tradition des vaches-mères. Il lui explique tout ça. On retrouvera d'ailleurs ce truc-là chez Daniel, chez le prophète Daniel, hein, il y a la même chose qui arrive, hein, il y a un moment, le prophète Daniel, etc. Bon. Alors là, et on vous dit, Jean avait exactement 30 ans. À ce moment-là, Jean avait exactement 30 ans. Or là, on parle de Joseph juste avant, et donc le terme environ ne signifie pas du tout en araméen, ça signifie c'est la même chose. Jésus avait la même chose. Donc Joseph. On vient de parler de Joseph, et Jésus avait la même chose, c'est-à-dire 30 ans. Donc il avait exactement 30 ans. Hein? Pas 30 ans à peu près. Mais il parlait pas de Joseph. On parle de son père, à ce moment-là. Mais son père renvoie à Joseph. Hein? Voilà. Alors on est en train de rentrer dans l'Évangile, avec une citation en plus d'Isaïe, qui fait un écho à une autre citation qui est dans le prophète, qui fait allusion à une troisième citation, et ainsi de suite. Donc on est dans un réseau de citations, et pop, à l'intérieur de ce réseau, on accroche l'histoire des 30 ans, et on s'aperçoit que c'est une date essentielle. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est que Jésus va être baptisé. Ça veut dire qu'il est baptisé exactement pour ses 30 ans. C'est-à-dire qu'on sait exactement la date du baptême. Et c'est pour ça qu'on célèbre le baptême, les orientaux célèbrent le baptême en même temps que Noël, hein, avec obstination, parce que c'est la même date. Donc c'est l'anniversaire de sa naissance. Donc pour l'anniversaire de sa naissance à Bethléem, il vient au bord du Jourdain et il est baptisé par Jean. Et l'Esprit Saint descend. Voilà, ça va? Vous commencez à rentrer dans l'Évangile avec moi là. Hein, vous savez, c'est un peu plus intéressant qu'un système raboté par des gens qui ne voient pas comment ça fonctionne. Alors, donc ça, ce schéma-là est en partie, on va se dire, mais alors si on est ici à la dédicace 26, pourquoi la dédicace 26? Qu'est-ce qui se passe quand on est dédicace? Lors d'une dédicace, on ouvre l'ensemble de ce qu'on a mis sur le temple. En général, ça se fait comme ça, quand on inaugure un bâtiment, on le fait bien, on le fait vraiment bien, on a un grand voile dessus, on ouvre le voile et on dévoile Apocalypse. Il s'appelle Apocalypse en grec, on fait l'Apocalypse des choses. On ouvre le voile. On va avoir, au moment de la Passion, un voile du temple qui se déchire, qui s'ouvre. Voilà. Donc on ouvre la chose. D'ailleurs, c'est très curieux parce qu'à ce moment-là, Jean-Baptiste voit les cieux qui s'ouvrent. C'est le même mot. Et l'Esprit descend. Écho de Joseph, voilà, les 30 ans, etc. C'est pas fait au hasard, ce truc. Dieu fait tout en poids et mesure. Voilà. En temps et mesure. Donc, voilà. Donc on est à cet endroit-là précis. Et à cet endroit-là précis, Jésus a effectivement 30 ans. Il a été dévoilé du sein de Marie, 30 ans avant. Il était dans le sein de Marie, dans lequel il se construisait petit à petit, comme petit bout d'homme, comme on construit sous les échafaudages dans le temple. Et c'était le temple. Mais Marie était le temple du temple. Voilà. Alors, donc on est à cet endroit-là, et tout de suite après, alors là, tout de suite après, Jésus part au désert pour 40 jours. Ah, 40 jours, c'est intéressant parce que c'est un chiffre qu'on emploie avec obstination qui n'est pas exactement 6 fois 7, 42. Alors ça, il faut vraiment que vous preniez l'habitude de ça. Les chiffres ne sont, quand on utilise les chiffres, l'arrondi du chiffre est quelque chose d'important. Là, on fait, si, quand on a on prend 40 jours comme référence, non pas parce qu'on ne veut pas dire 42, mais parce que c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Là, il y a une petite imprécision au bout. C'est-à-dire qu'en araméen, là, enfin en Mésopotamie, si vous voulez, on annonce en même temps le chiffre et son incertitude. On ne fait plus ça en français. Quand on fait des comptes, là, l'expert comptable vérifie les erreurs d'arrondi sur les erreurs d'arrondi de la machine pour être sûr qu'il n'y a pas une erreur à l'intérieur. Donc, en bas, quand on dit que c'est 40 jours, c'est parce que c'est en gros 6 fois 7. Et c'est pas 7 fois 7. C'est avant 7 fois 7 et c'est à peu près 6 fois 7. Voilà. Donc là, il y a 40 jours. Voilà, il y a 40 jours. Donc 6 fois 7. Alors qu'il y a un peu plus que ça pour aller jusqu'à Pâques. Et puis là, il revient. Et puis il y a Jean-Baptiste qui désigne à ses apôtres, il désigne l'agneau de Dieu, à cet endroit-là. Et donc, il y a des disciples de Jean. Alors, ces disciples de Jean, ça veut dire que ça se passe avant Jean. Alors, la question, c'est de savoir combien de temps Jean-Baptiste a enseigné avant. Alors, il n'y a que deux hypothèses, ou bien juste une année, ou bien forcément cette année. Forcément. Entre... Pourquoi ça? Parce que l'année 26-27 est une année sabbatique. Voilà. Et donc, on va pouvoir suivre ce qui se passe en regardant de 7 ans en 7 ans. Voilà. Et Jésus va faire un cycle de la moitié seulement, de 3 ans et demi. Donc on va pouvoir compter 1, 2, 3 et demi. Alors en fait, comme vous voyez que c'est la fin de l'année 26, c'est comme ça qu'on va se retrouver dans l'année 30. Un peu plus loin, l'année 30. Ça marche? Voilà. Alors donc, et ça c'est dans les prophètes. Vous ouvrez Daniel et on vous raconte ça sur le Messie. Ah. Et d'où on sait que c'est l'année sabbatique, l'année 26? 26, 27. Ben, pour une raison très simple, c'est que pour les années saintes, c'est-à-dire la 49e, pas la 50e comme nous, on compte de 50 en 50, mais la 49e, la 49e devenait une année sainte. Et dans cette année sainte, on faisait la libération de toutes les dettes. Hein? Donc, comme par hasard, quelque part ici, on va trouver Jésus allant à Nazareth, ouvrant le livre et lisant le texte d'Isaïe pour l'année sainte. Il annonce une année de libération des captifs, etc. C'est-à-dire qu'il devient, par ce biais-là, possesseur, de la même façon qu'il a montré à Paille que lui est possesseur du sabbat, il est possesseur de l'année sabbatique, et il est possesseur du temps, puisqu'il annonce une année sainte. Chose qui était probablement perdue depuis des tas de temps. Hein? Oui, en commençant à rentrer un petit peu dans ce monde-là, on se rend compte qu'il est entièrement signifiant. Hein? Vous voyez, il donne du sens partout. Voilà, on va suivre un petit peu ça, pour essayer de voir ce qui se passe, et ça va être intéressant. Voilà. Alors, une fois qu'on a passé ce petit temps-là, on se retrouve avec on va se retrouver quelque part d'abord au 15 décembre, c'est-à-dire voilà, on va voir, on est sur la dédicace. Comme la dédicace s'est liée à son anniversaire, on va continuer jusqu'à Pâques, et quand on arrive à Pâques, donc de l'année 27, donc on est là, à chaque fois on remonte, on est à Pâques de l'année 27 ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Jésus va appeler, juste avant Pâques, ici, juste avant Pâques, il va faire signe aux 6, en les appelant, aux 6 disciples de Jean-Baptiste, qui l'ont connu avant, soit les 4 premiers avant son départ au désert, soit les 2 derniers après. Et donc il va chacun les revoir et il lui dit Batari, c'est-à-dire derrière moi, à ma suite, viens à ma suite. Alors il ne faut pas croire que les gens arrêtent de faire leur métier. Ce n'est pas encore le travail plein, il va après les choisir. Mais là, il leur dit, à partir de maintenant, vous écoutez, vous êtes mes disciples, vous me suivez. Je vous accepte comme disciple. Alors ça, c'est un schéma général qui est de l'école des prophètes. Hein. Vous vous rappelez, par exemple, quand Élie s'en va, vous avez Élisée qui court derrière, et qui lui dit « Donne-moi une part de ton esprit, etc. » C'est-à-dire « Enseigne-moi, etc. Voilà. »« Enseigne-moi, voilà. » Voilà. Donc on va... et en fait, c'est... Hop, un an après ici, il va faire le choix des 12. C'est-à-dire qu'il va continuer ici d'arriver jusqu'à 12 disciples. Et quand les 6 premiers le suivent, et il va petit à petit dire à 6 autres de le suivre. Qui ont pu bien sûr de le suivre. Parce que les 6 disciples de Jean-Baptiste, ils ont entendu Jean-Baptiste leur dire, c'est lui. C'est lui l'élu de Dieu. Donc là, il va y avoir une chose. Et donc l'année d'après, pour l'anniversaire, on va faire appel aux 12. Alors, je vais signaler un truc qui est extrêmement intéressant. Oui, vas-y. Il est dans Saint Jean. Oui. Les 4 premiers disciples sont appelés, surtout après, enfin, quelques jours après le baptême. Non. Avant le baptême. Non, ils voient Jésus, mais ils ne sont pas appelés. Ils voient Jésus et Jean-Baptiste leur dit « Voilà l'agneau de Dieu. Hein? » Et puis après, il passe un moment, et puis il va y avoir Jésus qui va les rencontrer, et qui va les rencontrer où ils travaillent. Et là où ils travaillent, il va leur dire « Tu viens ensuite. » Ça ne veut pas dire qu'ils doivent arrêter de travailler, parce qu'il faut bien qu'ils gagnent la vie. Ce n'est pas un problème comme ça. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ils sont mes disciples. Ça veut dire qu'ils continuent leur métier, mais le soir, ils vont venir. Donc Jésus se fait accueillir dans une maison, qui est pas celle de Pierre à ce moment-là, et il se met dans cette maison, parce que nous sommes en hiver, mais on va arriver au printemps. Hein. Mais là, on est en hiver. Hein. Et donc, il va donc rentrer dans une maison, et ils vont venir dans cette maison, quand il pleut, qu'ils ne peuvent pas travailler dehors, etc. Et là, ils vont recevoir un premier enseignement. Ça marche ? Et les 12, ils ont fait que 2 ans avec Jésus, alors ? Non, en tant que 12. Ah non, oui, choisi. En tant que 12. Oui, c'est pas une chose. Ils vont suivre Jésus au début, en continuant leur métier, de moins en moins, mais à partir du moment où ils ont choisi les 12, ils ne travaillent plus. Oui. Ils vont revenir, ils se débrouillent pour suivre Jésus, cette fois à temps complet. Donc il y a quelque chose qui est différent avant et après. Mais alors, je voudrais vous signaler quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit quelque chose sur les femmes que il faudrait que je vous réexplique parce que c'est facile à trouver. Il y a un petit quelque chose et qui est lié justement à la visite à Nazareth. Et dans ce truc-là, il y a un petit quelque chose qui fait que c'est les mêmes phrases qui viennent d'être dites ici par Jean-Baptiste relativement à Jésus, et qui sont en train, qu'on revoit apparaître pour les femmes quelque part ici avant le choix des 12. Ça veut dire que commence un deuxième cycle parallèle qui est le cycle des femmes. Ah ! Parce que moi j'en ai assez qu'on vous explique dans les évangiles que ce qui se passe pour les apôtres. Parce que, bien entendu, il se passe des choses pour les femmes, mais c'est pas qu'il n'y ait pas des choses qui se passent pour les femmes et qu'on les ait pas écrites, c'est qu'il est important qu'on voit la structuration que Jésus veut donner à l'Église. Parce que dans la suite de ce qui va se passer après ces 3 ans et demi, les apôtres vont être, les apôtres et les femmes vont être face à des gens qui n'étaient pas si favorables à eux puisqu'ils ont tué Jésus. Hein? Et donc, il va falloir qu'ils tiennent le coup, et donc c'est les hommes qui auront à tenir le coup, et c'est les hommes qui risquent leur peau. Je rappelle que souvent là, les femmes, c'est ce que je vous ai expliqué l'autre fois, c'est que les femmes ne risquent pas leur peau dans ces civilisations directement, sauf pour ce qui gêne les hommes, donc par exemple pour l'adultère, pour des choses comme ça, voilà, ça, ouais, elles risquent leur peau. Mais pour les trucs ordinaires, non, la réponse est non, ils portent la vie, donc on ne peut pas les condamner aussi explicitement qu'on peut condamner un homme. Voilà. Alors, donc... Par quelle phrase, par quelle parole vous dites similaire à celle du Jean-Baptiste? Je vous l'expliquerai, ça, c'est un peu compliqué, mais c'est la façon dont c'est présenté signifie qu'il y a que Jésus est reçu en particulier à Nazareth dans une maison. S'il est reçu dans une maison, il faut voir comment c'est dit quand les autres sont reçus dans une maison. Et s'ils sont reçus dans la maison de Marie à Nazareth, ça veut dire que voilà. Ça veut dire que si eux viennent, il y a aussi des gens, d'autres personnes qui viennent. Et donc ça veut dire que automatiquement la maison de Marie n'est plus une maison privée, pas plus que la maison de, par exemple, de Louis Mathieu d'être une maison qui devient privée, ni pas plus que la maison de la belle-mère de Pierre devient quelque chose. D'ailleurs, elle râle au début, mais heureusement que Jésus l'a guérie une bonne fois d'une bonne fièvre. Après, elle a changé d'avis. Hein. Mais si, je ne suis pas sûr que, comme elle a la réputation, on le voit bien, d'être assez belle-mère, finalement. Bon, si on tient à le remarquer, c'est que ça peut être vrai. Les origines sont terribles à ce moment-là, parce qu'ils ne font pas l'économie de la mièvrerie des gens. Il l'avait trouvé malade, c'est pour ça. Il l'avait trouvé malade, voilà, il l'a guéri, etc. Alors à partir de ça, Jésus, parce que c'est quand même embêtant, Jésus arrive à l'improviste et envahit tout. Et il casse en plus le gain du système. Alors la pêcherie va continuer sans son patron, mais une pêcherie sans patron, ça fonctionne moins bien qu'une pêcherie avec patron. Et la pêcherie sans patron, elle n'est pas forcément aussi dépendante directement de la belle-mère qu'elle l'était d'un chef qui sait organiser le système. Voilà. Donc il faut vous embrasser aussi tout à l'heure. Soyez concret, ça s'est passé pour de vrai, cette histoire-là. C'est pas au théâtre que ça s'est passé, c'est pour de vrai. Voilà. Donc d'accord. Alors, c'est vrai de vrai, comme disent les enfants. Voilà. Alors, on va trouver quelque chose qui va être en nous quelque part par la 28, après ce choix des 12. Jésus envoie les 12. Mission des 12. Tout seul, il les envoie. Ça veut dire qu'ils ont appris suffisamment comment faire, qu'est-ce qu'il faut dire pour annoncer la bonne nouvelle. Alors on va revenir en arrière pour voir qu'est-ce qu'ils ont appris. Alors qu'est-ce qu'ils ont appris? On va jeter un petit coup d'œil sur mes multiples petits papiers pour savoir un peu ce qui s'est passé. Je ne sais pas le conseil. Ils ont par exemple probablement appris par là. Tout de suite avant, je crois que c'est avant. Je ne sais plus, il faut vérifier, mais je crois que c'est avant. Ah bon, ils ont appris le serment sur la montagne. La montagne, ils ont écouté ça. Et puis, vous avez bien vu que quand Jésus dit quelque chose, et quand ils sont ensemble dans la maison, il leur explique tout. Donc c'est quelque chose qui est une vraie formation. C'est pas il enseigne, il voit comment il enseigne, et en plus il pose des questions. Les savants sur la montagne, c'est juste avant ou juste après le choix des 12? C'est juste avant. Et puis après, on va rentrer dans des choses qui sont aussi très intéressantes, c'est-à-dire que tout de suite après ce serment sur la montagne, on va avoir le sermon en parabole. Alors ça, c'est essentiel dans ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Le sermon en parabole, c'est l'entrée dans un système d'analogie qui n'est pas un système conceptuel, qui n'est pas un système d'explication que spirituel, mais le royaume des cieux est comparable à... Le royaume des cieux est comparable à un semeur qui est sorti pour semer sa semence. Le royaume des cieux est comparable à une femme qui met le vin dans la farine. Le royaume des cieux, c'est terrible. Ça veut dire qu'il est en train de leur faire comprendre que on ne peut pas comprendre ceux qui sont en train de faire et qui vont vivre, ne peut pas être compris par des mots qui décrivent un système. Mais c'est quelque chose qui est compris par analogie. Or, Dieu a... Alors, l'analogie s'appelle de la façon suivante. Dieu a créé le monde par sa main, dit-on dans le texte, pour être vraiment concret. Il a créé par sa main. Et donc, les apôtres doivent apprendre à faire grandir en eux et par eux le royaume de Dieu par leurs mains. C'est-à-dire par des choses concrètes. Ils vont expliquer aussi, mais on fait la comparaison. La comparaison est avec la vie. La parole va se propager comme la vie. Et donc c'est un qui. Alors, je vois le monsieur là au fond, là, qui suit son petit saut, c'est très bien fait, mais qui parle que vous m'avez donné. Voilà, alors j'ai regardé avec beaucoup de soin, c'est effectivement le travail qui avait été fait à Jérusalem par le père Lagrange. Ce travail n'est plus tellement à jour. Donc, d'après ce qu'on a travaillé quand même depuis pour regarder. Voilà. Et donc, on a quand même un peu plus précis. Et il ne faut pas se faire prendre au fait que les évangiles, après, regroupent d'une façon particulière. Donc tant qu'on n'a pas compris comment se fait le mouvement des évangiles à partir de ce qui est fait en amont, quel écolier, on ne peut pas. Donc il faut partir des premiers colliers pour avoir de la pure. Et chaque collier a son pur classement chronologique, hein, puisque tout ce qu'on apprend, qu'on a vécu, on l'apprend dans l'ordre. Alors on met ça dans l'ordre le plus vite possible pour ne pas perdre l'ordre, puisque c'est un ordre pédagogique. Bon, donc c'est ça que j'essaie de vous faire un petit peu comprendre. Hein. Et donc, voilà, donc c'est à peu près ça que je voulais vous dire dans un premier temps. Alors on va continuer, et on va s'apercevoir que, après ça, ils viennent à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'ils font en venant à Jérusalem? Ils font le trajet des montées, ils arrivent à Jérusalem, mais en faisant le trajet en venant d'en haut, on fait le trajet par Jéricho et on monte. Et quand on fait le trajet par Jéricho, on vient de l'endroit sur le Jourdain où Jean baptisait. Donc on commence à voir dans le schéma de Jésus cette espèce de répétition qui se met en place. C'est-à-dire Jésus apprend en faisant repasser à des endroits, pas tous, parce qu'il veut effectivement balayer un petit peu tous les villages de Palestine, donc il ne passe pas au même endroit toujours, mais il repasse assez systématiquement à un certain nombre d'endroits pour que se remette en place une structure. De la même façon qu'à la fin, il va faire un parcours de remémoration pour que tous ces fouillis de vingtaine de déplacements, choses puissent être remplacées par un seul déplacement simple qui donne de l'ordre. Ce déplacement qui donne de l'ordre n'est plus un déplacement chronologique puisqu'on a contracté sur un seul récit quelque chose qui en comprend une vingtaine, enfin la moitié, une dizaine de montées à Jérusalem. Donc il y a 10 montées à Jérusalem et donc là il n'y en a qu'une seule qui regroupe, ça devient une façon de mémoriser de façon pédagogique. Donc on va faire ce trajet pédagogique. Alors, donc là, bien entendu qu'à cet endroit-là, il va se passer quelque chose d'intéressant, c'est que Jésus, venant à Jérusalem, va avoir besoin d'avoir un endroit pour recevoir ses apôtres, pour être accueilli. Et donc il va y avoir l'histoire de Lazare qui va accueillir, qu'il faut qu'il soit assez riche pour pouvoir accueillir à terme 72, quand ils seront 72 autour de Jésus, c'est pas un petit riche Lazare, c'est un très grand riche. Bon, on pourra reparler de Lazare, c'est un autre problème. Donc ce que je voulais insister, c'était que dans ce trajet-là, il y a donc un passage à Jérusalem où ils apprennent aussi à faire quelque chose qui leur donne la capacité, en ayant passé par la Pentecôte, d'être envoyé en mission. Ça vous rappelle quelque chose qui va se développer après. Et pour arriver au choix des 12, qu'est-ce qui va se passer avant? Eh bien, Jésus va forcément leur faire une retraite. Ça paraît évident. Donc, voilà. Donc, vous voyez comment tous les ingrédients de ce qu'ils vont apprendre ainsi la méthode pédagogique que Jésus m'a enseignée pour choisir après d'autres personnes et pour les former. Hein? Voilà. Donc, quelque part, on va se trouver à la fin de l'année au niveau des tentes. Et là, au niveau des notes, des tentes, eh bien, on va faire ici le choix des 72. Donc l'année clé, c'est bien l'année 28, où Jésus organise son circuit. Hein? Il organise complètement son circuit. Et on se trouve avec. Alors, s'il y a eu soit des 12, ça veut dire des 72, ça veut dire qu'il a déjà recruté dans ce trajet-là, donc qui est l'année d'avant, jusque-là, à partir de son baptême, il a déjà fait ce travail de recrutement On vous décrit que le recrutement des 6, mais il commence sur le recrutement de 72, qui est décalé, vous voyez, que dans gros 6 mois, un peu plus de 6 mois. Et qui va être tel que les 72 vont pouvoir vivre quelque chose en hiver, un enseignement d'hiver. De la même façon que les 12 vont être à cheval, ici, sur un appel qui se passe là en hiver. Donc les 12 ne vont réapparaître après, ils ne vont être envoyés en mission qu'après. Qu'après, quand on aura passé un hiver et qu'on arriverait dans cette lola, dont il y aura un envoi des 72 en mission. Tout seul. Enfin là, cette fois, un peu différemment par deux. Les apôtres vont aller un premier coup par deux, et tout de suite après, ils deviennent indépendants, parce qu'il s'agit de les envoyer vers les 12 tribus d'Israël. Donc ce que je vous ai expliqué avant, qui est là, c'est-à-dire qu'on peut identifier, on peut remettre là-dessus, et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, on est en train de travailler pour remettre là-dessus les zones où étaient chacune des 12 tribus, retrouver à l'époque de Jésus le chef-lieu, et dire, ben voilà, et en plus, on va pouvoir dire, parce qu'on connaît par les traditions orientales, on connaît de quelle tribu était chacun des apôtres, et on connaît en gros où ils sont allés. Donc on peut arriver à imaginer quand dans cet envoi des 12, quand ils sont envoyés en mission les 12, ils sont envoyés dans la tribu dont ils deviennent responsables. Vous comprenez ça, c'est absolument essentiel, autrement on ne comprend rien au système. On a l'impression que ça tombe comme ça, tout cuit, machin, c'est pas du tout comme ça. Jésus ne fonctionne pas, enfin Dieu ne peut pas fonctionner raisonnablement. Il fait en tout en poids et mesure, c'est pas possible. Donc là, quand ils sont envoyés en mission, ils vont aller dans les endroits dont ils sont restés. Ils vont commencer à avoir la responsabilité d'une tribu. Et puis là, ce choix des 72 va être tel qu'ils vont pouvoir après retourner quand les 12, ils sont deux types de choses, les 72 apprend, c'est d'une part à savoir faire les missions, mais ils sont deux par deux, ils sont un peu plus loin du Christ, donc ils sont deux par deux, et puis ils vont à partir de là se retrouver par 6 affectés à chacun des apôtres. Donc ce qui va se passer après, ils vont commencer ça, mais après 30, ils auront la charge d'être à Jérusalem pour faire la tradition, bien sûr, pour recueillir la tradition, mais en même temps, ils ont leur lieu dont ils sont évêques, si vous voulez, si on peut parler d'une seule limite pour apprendre dans le langage actuel, ils sont évêques de la tribu d'Issacar, par exemple, et de cette tribu d'Issacar, un tel est responsable de ça, et il va régulièrement, au lieu d'être à Jérusalem, il va régulièrement là-bas avec son groupe de 6. Il va installer son groupe de 6 dans cet endroit-là pour pouvoir travailler. Oui. C'est ça le schéma. Alors, on va essayer de mettre tout de suite en place quelque chose qui se place évidemment ici, hein, c'est-à-dire au même niveau là où il y a le choix des 12. Ici, il va y avoir quelque chose d'essentiel, c'est le choix des 3. On appelle les colonnes, le choix des 3, c'est la transfiguration. C'est-à-dire 3 donc, vont être un modèle, donc c'est un système par modèle successif. Hein. Les gens s'imitent et ils n'ont qu'un seul maître à imiter, c'est Jésus. Mais les successeurs de Jésus doivent être les modèles pour que la suite continue. Hein. Voilà, donc c'est les 3 des 6. Hein. Vont être là, et ce qui va leur paraître, c'est Jésus entre Moïse et Élie, c'est-à-dire entre qui clôt l'histoire ancienne, qui s'est fondée entre Moïse et Élie, avec l'ensemble de tout le système de peuple élu qui se forme au désert, etc. Bon, voilà, hein, c'est pas 40 jours, c'est 40 ans, voilà. On retrouve ce schéma-là. Et puis, à partir de ça qui a été obtenu, eh bien, on va essayer d'aller plus loin parce que on va ici mettre en route, pendant que ces 72 sont là, les 12 et Jésus continuent à recruter. Et donc, ils vont préparer la succession des 72. Alors, 72 fois 6, non, 432. Donc, il y a quelque part ici, voilà, eux, ils sont portés en mission, vous voyez qu'il y a 72, soit des 12, mission des 12, soit des 72. Mission des 72, choix des 432. Choix des 432. Et où est-ce qu'ils vont aller voir quelque chose qui est l'écho de ce qui s'est passé sur le Tabor? C'est tout de suite après 30, après l'Anacroix, là, dans le parcours de remémoration, il y aura un écho de ça pour les 432 plus 72, c'est-à-dire les 500, en présence, pas des 12 d'ailleurs, de seulement 8 des 12. Ils ne sont pas tous là-bas. Mais il y aura, ça a fait un écho tout de suite après, l'année d'après. Vous voyez comment le système va fonctionner? Alors, je vous ai donné le même exemple, si vous voulez. Je remets là-dessus pour que vous voyez comment ça fonctionne. Je vais vous redonner, par exemple, le problème du paralytique, donc qui va être quelque chose qui est lié à la Pentecôte, au voisinage de la Pentecôte. Hein. Et donc, vous aurez en 28, alors là, on a 27, 28, donc là, vous aurez quelque chose qui est le paralytique à Capharnaüm, puis vous aurez en écho juste là le paralytique à Jérusalem. Donc vous avez des choses comme ça, les échos se font, alors je me trompe peut-être, hein. Oui, non, c'est dans l'autre sens, je suis allé trop loin. Ça, c'est là, c'est à Jérusalem, et c'est là, à Capharnaüm, voilà. Et il correspond à un même interrogation qui a été fait à la même époque avant. Vous savez qu'on vous raconte, avant le baptême de Jésus, que quelque part, il y a une mission qui est envoyée auprès de Jean-Baptiste pour dire qui est. Voilà. Et donc, on retrouve le même schéma de mission qui est ici. Donc on a cloc, cloc, cloc, et là après on va voir un aveugle né, etc. On a tout un ensemble de choses qui se répètent comme des éléments clés pour une fête déterminée. Ça fait quasiment filer. Hein? Ça fait filer comme ça. Bah oui, mais c'est fabuleux, hein, le truc, ça. C'est... On voit très bien que Jésus tisse le filet que les gens après vont faire. Quand ils vont faire la mémoire de ce qu'ils ont vécu, le tissage est déjà préparé par Jésus. Comprenez comment ça se passe. Alors quand on dit qu'ils ont eu du mal, que les gens ont eu du mal à réunir les petits bouts, non. Ils se sont enfermés en disant ne nous dérangez pas, on remet tout ça au clair. On a une chose. Non. Ils devaient s'aider les uns les autres pour se dire non, mais tu te rappelles, c'est à ce moment-là, c'était l'anniversaire de ça, etc. C'était la fête d'eux, etc. Voilà. Parce que c'est préparé. C'est pas fait au chaud. C'est pas fait comme ça, au petit zigzag. Hein. Alors, on peut voir ça d'une autre façon. Regarde la première multiplication des pains qui est en. Alors, donc, on est 28. Donc, on est en quelque part. Tout, c'est par là, avant les tentes, donc c'est là, il y a la première multiplication. Et puis la deuxième multiplication des pains, c'est la même chose, l'un des 29. Tchouk ! Voilà, deuxième multiplication des pains. Et puis deuxième multiplication des pains, comme on a maintenant compris que c'était l'Eucharistie que Jésus annonçait, le grand miracle que Jésus annonçait, Bien, on peut continuer à expliquer ça. Mais derrière, vous avez ce petit texte sublime de Jésus qui pose à ses apôtres, parce qu'il a dû leur poser un certain nombre de fois des choses comme ça. Mais vous ne comprenez rien. Combien il y avait de paniers ? La première, c'est ça. Combien il y avait de paniers ? N'avez-vous pas compris ? Voilà. C'est-à-dire que, voilà, n'avez-vous pas compris ? Ça veut dire que Jésus a mis en place tous les éléments pour qu'ils comprennent. Hein ? Donc c'est ça qui est le truc fabuleux dans ce qui s'est passé dans ces 3 ans et demi. C'est que tout se mettait en place progressivement. Rien n'était au hasard. Mais comment ça peut être au hasard ? Ça n'a pas de sens. Le hasard, c'est la providence de Dieu. Ça veut dire que c'est organisé. Hein ? Voilà. Donc voilà, je vous montre un petit peu ça pour que vous voyez comment le système fonctionne. Combien d'explications, c'est 27 ou 28 ? Combien ? Hein ? 27. C'est l'année qui va. Oui, non, c'est 27. 27. 27. 28. Et donc, oui, c'est 20. 29, c'est là où il dit, j'avais pas compris. Ça. 29, vous n'avez pas compris. Non, donc ça, c'est l'année. Attendez, je vais finir ma part de trompe. Attention, l'herbe était verte. L'herbe était verte, voilà. L'herbe était verte. Bon, c'est en été, hein. C'est donc avant la période de pluie, hein. C'est juste avant la période de pluie, c'est pour ça qu'on dit que l'herbe était encore verte, en fait. Ah, encore verte. Elle était encore verte. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est 28 et 29 que je ne me trompe pas, parce que je vais vérifier sur mon petit papier, parce que je ne sais pas ça. Je ne sais pas tout par cœur. Hein. Vous l'avez bien compris. La première multiplication, n'est-ce pas ouais. La première multiplication des pains intervient tout de suite après l'envoi des ambitions des 12. Donc je me suis trompé. Voilà. Donc, ça, c'est premièrement. Et deuxième. C'est 28, hein. Voilà. C'est juste après la mort de Jean-Baptiste. Voilà. Je me mélange moi-même. Non, mais si, la première multiplication, c'est 23, donc c'est 27. Voilà, c'est 27. Alors voilà, donc, en tout cas, qu'importe le détail, je ne vais pas rentrer en. Parce qu'on va s'embrouiller et j'ai plusieurs papiers, ce n'était pas très bien. Je ne sais pas ma leçon par cœur, si vous voulez, je ne sais pas tout ça par cœur. Donc, d'autant que les gens ont hésité beaucoup sur la façon de jouer. En fait, ce que je veux simplement vous apprendre, c'est que. Ce qui est essentiel dans cette pédagogie, c'est d'une part qu'il n'y a que des choses conceptuelles, des choses concrètes. Il n'y a pas un seul mot dans les évangiles, et en particulier dans la bouche de Jésus, pas un seul mot qui n'ait pas un sens concret. Il n'y a pas un seul mot. Et d'ailleurs, le saint Paul des apôtres n'a pas un seul mot qui soit. Et c'est une protestation. Les évêques orientaux ont protesté au temps du concile de Nicée quand les Grecs, avec une approbation un peu tacite des Occidentaux, des Latins, ont voulu introduire des mots. Consubstantiel au père, machin, etc. Voilà. Et donc, à Nicée, il y a deux textes. Il y a un texte en araméen qui n'a aucun mot hors de l'évangile, et un texte en grec qui a des mots à côté de l'évangile. Ah ben oui. Et il y a un père grec de Cappadocien qui a passé un certain temps à refaire une traduction qui soit à la mode orientale. Mais là, ça n'a pas eu de succès, ça n'a pas été retenu en Occident, parce qu'en Occident, on tient absolument à faire des trucs. Mais ça nous a valu quelques séparations dans l'Église, hein, ce truc-là. C'est-à-dire, c'est fondamental, ça c'est absolument fondamental, de croire, de voir que Jésus organise son système de façon simple, mais de façon simple, mais archi-simple, pour que nous, on ne déduise les choses sur le spirituel qu'à partir des choses concrètes. Et qu'on n'ait pas un langage spécifique pour ça. Alors bien sûr, après, tout le monde s'est engouffré dans le langage spécifique, religieux, etc. C'est-à-dire que, si vous voulez, Jésus ne veut être ni simplet, parce qu'il faut réfléchir pour tirer de ce langage simple des choses qui sont profondes. La Trinité, ça ne sort pas comme ça s'il n'y a pas le terme Trinité à aucun endroit dans l'Évangile. Hein. Donc ça sort de l'ensemble des textes qui sont eux-mêmes tout simples. Hein. Mais ça évite ce que... Il a fait ça pour que les gens les plus simples, s'ils ruminent suffisamment bien, ils vont comprendre les choses. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont comprendre, ils vont deviner, ils vont avoir la sensation. Leur problème, ce n'est pas qu'ils puissent l'exprimer, puisque c'est inexprimable ce qui est relatif au spirituel. Sauf quand on est un saint. Et que, à ce moment-là, quand on dit quelque chose, plus personne ne vous comprend, puisque les gens n'ont pas l'expérience de ce qu'il a vécu. Donc, il faut que ça soit très extrêmement simple. Ce qui, pour les gens simples, est quelque chose qui leur propose, quelque chose qu'ils peuvent deviner, avoir l'intuition des choses. Et pour les gens qui sont intello, ça leur propose une décantation pour éviter de croire que les mots intello qu'ils ont mis représentent la réalité spirituelle. Il y a tout un travail, hein. Et donc, on va trouver les deux, dans ce qu'on enseigne, on va trouver les deux cas. On va trouver des gens d'en bas qui ne comprennent pas, à juste titre, le langage compliqué qu'on leur propose, parce qu'ils seraient beaucoup plus à l'aise, à condition de ruminer, de réfléchir. Ils seront à l'aise pour découvrir des choses, mais pas au premier abord. Hein, c'est ce que me disait ma grand-mère dans les veillées, plus tard tu comprendras. C'est ce que Jésus dit à Pierre, plus tard tu comprendras. Un lavement des pieds, c'est bizarre ce truc-là. Mais plus tard tu comprendras. Bon, donc ça fait partie des choses qui s'accumulent et qui aident à comprendre. Et puis de la même façon, il dit à quelqu'un comme les pharisiens, etc., il leur dit non. Et il leur redonne des explications simples sur les problèmes compliqués qu'il délivre. Il délivre des problèmes très compliqués avec derrière tout un temps de réflexion, ils ont machin, etc., ils ont élaboré des autres choses, et paf, tout s'effondre pour être amené à un problème très simple, mais donné analogiquement. Donc ce qui est notre problème, si nous voulons recommencer l'évangélisation aujourd'hui, c'est de faire ça, et pas de faire des nouveaux textes super compliqués, machin, etc., qui expliquent tout, pour que tout soit compréhensible à la lecture. Ça, c'est complètement stupide, c'est le contraire. Ils ne lisent pas, ces gens-là. Ils entendent Jésus parler sur des kilomètres de route. Ils n'entendent pas Jésus parler sans aucune note. Hein? Alors, ça ne veut pas dire que... Alors, je vous rappelle aussi, on arrête aussi de fantasmer dans ce genre de choses, tous ces gens-là savent écrire. Ils s'envoient des lettres. Ils sont pas... Le niveau d'instruction en Israël est le plus haut niveau sur Terre à ce moment-là. Il n'y a aucun équivalent. Ce n'est pas Israël qui est le plus cultivé, c'est la Mésopotamie. C'est là où on a inventé l'écriture, c'est là où on sait écrire. Pratiquement tout le monde sait écrire, tout le monde sait lire. Mais on n'emploie pas toujours l'écriture à choses, on ne compose pas les romans, etc. On parle et on ne met par écrit que les choses composées oralement. Hein? Donc voilà, ça c'est le truc de base. Donc il ne faut pas imaginer que Matthieu, par exemple, n'a pris aucune note. C'est complètement idiot. Il a sûrement pris quelques notes. Mais ce qui était important, c'est d'abord qu'il se mette dans la pédagogie de Jésus et qu'il voit comment ça fonctionne. Et une voyant comment fonctionne la chose de Jésus, il peut à ce moment-là parler comme Jésus. Et c'est par exemple, si vous lisez par exemple les lettres de Saint Jean, c'est très intéressant parce que les lettres de Saint Jean, on a l'impression que c'est Jésus qui parle. Parce qu'il s'est tellement coulé dans la façon de parler de Jésus qu'il fait du Jésus, si vous voulez. Il parle comme Jésus. Alors c'est pas aussi profond, Bien sûr que l'aide de saint Jean, vous ne pouvez pas les prendre et puis prendre phrase à phrase et puis faire ce que vous faites sur l'évangile et les penser pendant 30 jours et à chaque fois on trouve des choses nouvelles. C'est pas vrai, c'est l'ensemble de la lettre qui a cette valeur-là, mais, parce qu'elle est inspirée. Mais c'est comme ça qu'il faut. Bon, ça va à peu près. Alors, on va continuer un petit peu cette chose-là. On va voir. Alors, comment le système va pouvoir se débloquer quand on va essayer de tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire pour arriver après à enseigner. Alors là, on est obligé de se reposer à nouveau la question des femmes, parce qu'on ne peut pas comprendre le système en action, en imaginant que les apôtres, les 72, les 432, vont se mettre à s'installer comme des petits maîtres d'école, alors qu'il s'agit de constituer, d'aller de porte en porte, de se déplacer, d'arriver à constituer une église. C'est-à-dire qu'une église missionnaire n'est pas une église installée. Dans une église installée, le curé du village peut faire le catéchisme. D'ailleurs, que s'il faisait le catéchisme autrement et qu'il faisait le catéchisme oral comme Jésus, je pense que ça ne serait peut-être pas exactement la même chose. Bon, alors on ne va pas se critiquer nous-mêmes parce qu'on est tellement fort en Occident et en France en particulier pour monter des usines à gaz au point de vue pédagogique, bon, mais sans se critiquer là-dessus, on peut quand même se dire que pour que le système soit accompagné, à mesure que les textes étaient connus de la bouche de Jésus, ils pouvaient être répétés et appris. Et donc le problème, c'est qu'il fallait avoir assez de maisons quand vous arrivez. Donc l'apôtre arrive. Il arrive dans une ville. Qu'est-ce qu'il fait en arrivant dans cette ville? Il arrive d'abord avec plus ou moins ces six, parce qu'on va voir très vite que ces six vont disparaître à mesure qu'il va aller de ville en ville, hein, de village en village, ils vont disparaître pour continuer à la chose. Parce que lui, il faut qu'il avance. Il faut qu'il avance. Donc il arrive dans cette ville-là et il va dans une maison. Voilà, il va dans une maison avec son petit toit là sur lequel on peut dormir la nuit. Voilà, c'est important. Je suis désolée, j'essaie de vous ramener dans le concret à cette destination. Bon, il arrive dans cette chose-là, il rentre par la porte ici, et puis il y a souvent des petits accessoires à côté, enfin des petites courettes, des petites choses comme ça. Bon, il rentre par la chose, et il y a deux corps, ou bien on le fout dehors, et donc il se coule la poussière de ses chaussures, ou bien quelque part, il rentre. Voilà. Le problème à ce moment-là est un problème de femme. Parce que rentrer dans une maison, ce n'est plus le problème des hommes. Le problème des hommes, c'est garder la porte. Une fois que le gardien a laissé passer, que l'homme a laissé passer, c'est le problème des femmes, en Dorian. Comme ça, normalement. C'est bien fait. Au moins chez les chrétiens. Bon. Alors, pas toujours le cas. Bon. Alors, chez les chrétiens, enfin, l'hospitalité chrétienne est comme ça, c'est que. Et puis l'hospitalité hébraïque aussi. Sauf, bon, quand c'est des Samaritains, sauf que, etc., voilà. Bon, alors, donc, là, si la porte est ouverte, il vaut mieux, dans ce cas-là, effectivement, que l'apôtre ait rencontré quelqu'un avant, qui lui a dit, mais venez donc, ou allez vous adresser à un tel ou un tel, etc., et donc, il rentre dedans. Donc, là, il va essayer de... Si c'est en été, c'est un peu différent de si c'est en hiver. Comme c'est en été, parce qu'il fait une mission l'été, il va venir, et il n'est pas inclusif, puisqu'il va faire que passer. Mais il va poser tout de suite la question, est-ce que je peux revenir l'hiver, hein? Donc il y aura forcément un passage en été, une mission en été, et puis on revient en hiver. Et donc on va retrouver le même problème, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que la Samaritaine, est-ce qu'elle est prête à recevoir chez elle ou chez un tel, etc. Et est-ce qu'on peut mettre en route ce processus-là? Et à ce moment-là, c'est quand même les femmes qui vont piloter le système. Hein? C'est-à-dire qu'elles vont assurer ce que Paul essaye d'expliquer, qu'il y a le début, et puis il s'agit d'accompagner les gens un certain temps. Et là, il faut vraiment accompagner parce que le début, qui est le domaine de la conversion, c'est pas forcément quelque chose de simple. Donc il faut avoir, enfin, arriver à faire ça, c'est-à-dire petit à petit, l'idée, c'est d'arriver que chaque maison se crée un petit groupe qui est autour de l'un des six, qui est là, ou de l'apôtre lui-même, qui se met à apprendre, ici, chose pour être capable d'intégrer l'enseignement de Jésus tel que Jésus le veut. Donc dans l'ordre, en commençant par un certain nombre de choses, et pas en mettant les choses n'importe comment, là, etc. Donc on suit ce trace-là. Et puis, au bout d'un... L'apôtre peut essayer de faire une deuxième maison, et dans une ville, il va faire une deuxième maison, voilà, puis une troisième, voilà, puis une troisième, puis une quatrième, s'il peut aller jusqu'à six, c'est génial. Et puis, il va essayer de passer dans les maisons, parce qu'il y a laissé un des six dans chacune. Il va essayer de repasser dans les maisons pour essayer de leur dire « Attention, il y a un problème dans les maisons. » Il y a un problème dans les maisons, c'est que quand vous êtes six ensemble, vous êtes au chaud, bien au machin, etc., c'est très bien, mais l'église, c'est pas ça. L'église, c'est pas les maisonnées, c'est pas juste ça, c'est tous ensemble. Donc il faut qu'on se réunisse tous ensemble de temps en temps pour faire église. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour faire église ensemble? Eh bien, il faut faire la taille au-dessus, c'est-à-dire il faut faire un repas commun. Hein? Mais le problème, c'est que Jésus a essayé de faire apprendre le fait que sa parole était nourriture. Donc il n'est pas question de faire un repas en commun qui ne soit pas parole, qui commence par apprendre la parole de Jésus, ou par la réciter, ou par la célébrer. Donc ce qui se fait dans cette réunion qu'on va appeler Koubala, alors ça signifie une réception, recevoir quelqu'un, mais ça signifie maintenant, ça signifie plus la même chose du tout, les filles, recevoir la parole et s'en nourrir. Et donc là, on va faire dans ce Koubala, on va essayer d'apprendre ensemble à célébrer en fait. On reçoit la parole, mais on la redonne. On la redonne, puisque il faut à chaque fois, vous avez vu ça dans le principe, qu'on apprend des choses avec Jésus et on part en mission. Donc il faut petit à petit se faire à l'idée qu'on apprend pour transmettre. Parce que la parole est un trésor et que le trésor se multiplie. C'est bête. La parole est un trésor qui se multiplie alors que les trésors ordinaires ne se multiplient pas, ils se divisent. Et plus on est nombreux, plus la part qu'on en a est petite. Au contraire, plus on est nombreux avec la parole de Dieu, plus on a d'approfondissement qui se fait par la communauté, hein, et qui rayonne. Voilà. Donc ce système-là est un système qui, de soi-même, va mettre en route un processus qui fera l'analogie, à nouveau une analogie, de la nourriture et de la réception de la parole. Et donc, il va falloir mettre en route ce processus-là petit à petit. Et quand on aura fait ce truc-là, les maisons qui sont là vont continuer à fonctionner pour faire un cycle d'après. Mais ça veut dire que les personnes qui sont dans les maisons, les premières, il va falloir du temps, il faut de la patience. Si vous voulez, le cycle est un espèce de cycle annuel dont je vous ai mis en route. Et donc, le système va mettre du temps pour se fabriquer. Hein, parce qu'il va falloir que tout ce monde-là est décalé. Et l'idéal, ça serait que tout ce petit monde-là suive 3 ans de formation où ils recevraient l'équivalent des 3 ans que Jésus a donné. Hein, voilà. Et si ce système-là se met en route, eh bien, au bout de 3 ans, on aura fabriqué tous les éléments nécessaires pour que l'apôtre puisse s'en aller. Donc, comment faire pour suivre une mission d'apôtre? Ben, c'est très simple. Vous prenez les années comme ça. Vous prenez les années sabbatiques, les demi-années sabbatiques, donc 3 ans et demi, 1, 2, 3. demi-année sympathique, voilà. Et puis la nouvelle année sympathique, hein, je ne sais pas si je fais le truc correctement, j'en sais rien. Voilà. Voilà. Et donc, vous allez faire ça, deux cycles, et puis deux cycles par année sympathique. Et donc, vous pouvez suivre à ce moment-là ce qui se passe dans l'église primitive, vous traduisez ces choses-là, et vous regardez où chacun des apôtres est à ce moment-là. Et ça marche, et ça marche. Je l'ai fait sur Thomas, ça marche. Ça marche. C'est-à-dire qu'ils essayaient absolument d'essayer de faire ce qu'avait fait Jésus. De façon à être capable, en partant, au bout de leurs 3 ans et demi, en partant, ils laissent derrière eux l'église fondée. C'est ça qui est le plus. Vous dites que Jésus, il a pris la mission de enseigner pendant 3 ans, n'est-ce pas? Ouais. Quand ils ont constitué l'écolier, ouais, ils ont constitué en faisant. Ils ont parlé des 28 trajets, ils ont parlé de 10 trajets par exemple. Pour, non, ils les ont fait par thème. Ils ont fait par thème. L'écolier, c'est par thème. Donc il y a un collier, par exemple, il y a un collier sur la passion, oui, un collier sur la résurrection, un collier sur l'enfance, un collier sur le serment sur la montagne. Voilà. Et c'est des colliers qui sont par thème ou par. Thèmes que Jésus avait choisi, ce n'est pas des thèmes au hasard. Oui, la passion, il l'a choisi, donc ça constitue un tout. Et il y a eu l'ordrage liturgique aussi. Oui, ben, ça se fait parallèlement. C'est-à-dire qu'en 30, si je regarde ce qui se passe, l'année 30 ici, il y a la chose, il y a la Pentecôte ici. Là, ils font la révision. Révision, c'est le parcours de. La révision, c'est le parcours de remémoration. Hein, donc ils partent de Jérusalem, pouf, ils vont en Galilée, et puis ils reviennent à Jérusalem. Ils se font une mémoire de la passion à ce moment-là. En partant, ils passent au Jourdain voir l'histoire de Jean-Baptiste. Et puis là, ils vont être au bout de la mer, comme par hasard, ils seront droit à une pêche miraculeuse, tiens, c'est bizarre. Et puis ils vont aller aux abords, et puis aux abords, ils vont avoir. La vision de Jésus, tous ceux qui avaient des doutes, comme ce n'est pas traduit, tous ceux qui avaient des doutes, Jésus se laissait toucher par eux, comme il l'a fait pour Thomas. Bon, et puis ils reviennent à Jérusalem, donc ça c'est la répétition qui est là. Et puis là, vous commencez un circuit avec 3 ans, et puis vous avez ici une année sabbatique, puisque là il y avait une année sabbatique en 26-27, donc vous avez 33-34, quelle année sabbatique ici, 33-34, et puis vous allez avoir après 2 cycles, ben dans ces premiers cycles-là, que font les 12? Ils essayent de commencer un petit peu la prédication dans leur prélude, mais ils font surtout la fabrication du texte dans ce truc-là. Ils vont faire la fabrication du texte. Donc quand on vous raconte que les évangiles sont fabriqués, je ne sais pas combien. La réponse est non. La plus grande partie des évangiles est fabriquée dans ces 3 ans et demi. Et tous les colliers, ils les apprennent en 3 ans et demi. Peut-être pas exactement tous, peut-être qu'ils vont un petit peu s'améliorer, etc., par le fait qu'ils vont enseigner, que voilà, il y aura peut-être une petite cristallisation, ce qu'on appelle cristallisation, en tradition orale, c'est-à-dire je vais apprendre quelque chose par cœur, mais je vois que tel endroit, j'ai pas bien fait le truc, etc., j'étais un peu trop long, etc. Je fais un partage entre l'explication, parce qu'on n'apprend que le texte de base. Et on n'apprend pas les explications. Hein, les explications sont en parallèle. Ça, c'est un truc important. Parce qu'il ne faut jamais mélanger ce qui est du domaine de ce qu'a dit Jésus et puis les explications que soi-même on donne. Parce que alors, si Jésus donne une explication et que c'est vraiment important, on donne l'explication de Jésus. C'est ça, c'est Jésus en point pur. Mais Jésus ne passe pas son temps à expliquer. Jésus dit « Plus tard, tu comprendras ». Jésus ne laisse pas un système tout fait. C'est bien pour ça qu'il y a des tas de choses que les gens ne comprennent pas. Et justement, par exemple, il y a des apôtres qui sont partis en 35, je ne sais pas, par exemple. En 34, oui, c'est Jacques. Jacques, il n'y a que Jacques qui est parti. Jacques est parti à ce moment-là. Mais par exemple, l'année 37, il y a un apôtre qui part avec ses 6 dans sa tribu. Et puis, comme vous avez dit là, il laisse dans une. Ah ben, il y a la plus grande partie du temps à Jérusalem, il compose des choses, il revient voir ses copains, voilà. Il dit voilà ce que j'ai fait, etc. D'accord. Ils se sont répartis en fonction de leur goût, de leur machin, etc. Ils ne sont pas allés dans n'importe quel endroit parce qu'à mon avis, Jésus leur a dit où il fallait aller. Jésus n'a pas dû donner la preuve. Ils vont plutôt dans leur tribu, mais c'est pas. Il y a des fois, ils sont, par exemple, les deux frères, ils sont dans la même tribu, donc il faut bien qu'ils aillent dans des tribus différentes, bon, etc. Donc il y a une répartition, il y a un choix de Jésus qui leur dit, voilà, etc. Et puis, quant à s'envoyer à l'extérieur, il faut dire aussi que dans cette tribu, il y a des gens qui font partie de la diaspora d'Israël qui sont de cette tribu. Donc le lien est direct. Hein, je pense par exemple que si je prends Jacques qui passe au part en 34, il est très probable que Jacques avait dans, à ce moment-là une certaine tribu qui comprend Jaffa, et à Jaffa, il y a le bateau toutes les semaines qui va en Espagne. Il descend à Jaffa chez lui, et puis là, toutes les semaines, il y en a même deux fois par semaine en général, deux fois par semaine, il n'a qu'à avoir l'argent, il rentre dans le bateau, et trois semaines après, il est en Espagne. Il n'y a aucune difficulté, imaginez que Jacques va en Espagne. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces idées tordues de gens qui n'ont jamais vu comment ça fonctionnait, et c'est tout là, enfin, c'est pas possible. Alors, j'ai une question, s'il vous plaît. Par exemple, Jacques, il va en Espagne, oui. Les années 6. Il a ses 6 avec lui. Il a ses 6, il les laisse à Madrid, à Barcelone, etc. Oui, par exemple. Il commence à Cadix, etc. Il y a des endroits où il se fait jeter dehors, donc voilà, enfin, il faut la réalité comme ça. Oui. Voilà, et là, c'est la mort qui se constitue autour. Oui, alors là, il va quand même chez les Juifs. Hein. De la diaspora, parce qu'il faut. Alors que ça va être beaucoup plus long quand ça va être à l'extérieur, parce qu'il va falloir faire apprendre aussi le début. Mais parce que si vous n'avez pas une connaissance suffisante, que vous êtes un fidèle de je ne sais pas quoi, de tel ou tel dieu, etc., avec voilà, et toutes les habitudes, bah, ça se fera pas en 30 secondes. Si on est seul, ça ne va pas le faire. Mais justement, j'ai une question sur ça. Oui. Par exemple, là, on est en 34, 35, 36, c'est déjà que dans l'Espagne, avec ses principes, etc., de la diaspora, de la mémoire et tout. Après, il remonte, bon, bref, en 51, quand Marie monte à son ascension, là, les textes se sont fixés, mais après, ils sont fixés. Ils sont fixés longtemps avant. Ce qui veut dire que ce qui est dit en 51, c'est que le texte de référence qui est à Jérusalem, c'est un texte vivant à cause de Marie qui est à côté. Oui. Donc après, on ne peut plus y toucher. C'est sur ça que ça veut dire. Ça veut dire que peut-être qu'avant, on a fait quelques améliorations, on a rajouté quelques petites choses, etc. Et on en voit. On voit par exemple que à l'intérieur de l'évangile de Matthieu, il y a un trou à un endroit. Et puis, c'était à cet endroit-là, on peut remettre l'histoire de la femme adultère à Jérusalem. Si on la remet avec là, le texte est continu. Hein? Donc il était là, et il était récupéré par Jean. Donc ce genre de transfert s'est fait avant 51. Mais la composition de base des évangiles, c'est bien avant. Et il y a des choses qui ont été mises dans les évangiles, mais qu'ils ont dû attendre que, par exemple, Hérode, etc., ne soit plus... Pour pouvoir les fixer. Non, pour faire les donner à l'extérieur. Oui. Pour pouvoir les donner à l'extérieur. Oui, ça, oui, mais l'Église fonctionne en intérieur. Hein, l'Église fonctionne. Il y a une très grande différence, et ça c'est très visible chez Irénée, qui fait une énorme différence en donnant les dates à laquelle est publiée à l'extérieur de l'Église. Ce qui donne, c'est pas la date de composition, c'est la date de publication extérieure, d'autorisation de publication extérieure. En principe, ça fonctionne en interne. Mais même en interne, dans la diaspora en Espagne, par exemple. Oui, ils n'ont pas les colis tout frais, je veux dire. Ils ont aussi, à ce moment-là, ils ont presque pratiquement une grande partie des colis. Quand Jacques est parti, il y a une grande partie, mais pas tous. Il y a des petits bouts qui doivent manquer, il y a des compléments qui vont apparaître, etc. Voilà. Est-ce que, par exemple, ou alors il y a des bouts qui sont réservés qu'on ne veut pas dire, par exemple, est-ce que dans le collier des controverses avec les pharisiens que gère Barthélemy, hein, qui est le savant de l'époque qui connaît suffisamment l'Ancien Testament et toute l'exégèse des rabbis, pour que le texte n'ait pas d'ambiguïté au niveau de quand on discute avec des rabbis. Donc dedans il n'y a pas d'ambiguïté, mais peut-être qu'une partie n'a pas été donnée tout de suite, parce que en fait on savait très bien que ça allait donner lieu à telle et telle interprétation, etc. Donc on a peut-être laissé temps, moi je ne sais pas, mais il y a sûrement des choses comme ça, c'est bien sûr, c'est la mine, hein, c'est pas des trucs hors de la mine. Mais imaginez qu'il y ait quelqu'un qui s'assied pour écrire, ça c'est fou. C'est contraire à la composition dans ce monde-là. Ça fait 4000 ans que ça fonctionne autrement. Et on ne va pas se mettre à faire comme les Grecs, enfin, c'est pas possible. C'est des barbares, ils n'ont rien compris à ce qu'est un texte. Ils font des choses superbes, des machins, etc., mais ils n'ont rien compris aux choses profondes. D'ailleurs, leur meilleure preuve, c'est qu'ils ont des dieux qui font n'importe quoi, ils ont des machins, etc. C'est superbe ce qu'ils font à côté, mais ça n'a aucun sens profond. Ça parle. Hein, donc c'est bien ce truc-là. Donc quand ce truc-là se met en route à peu près régulièrement, ça fonctionne comme la vie. C'est-à-dire que ça se développe. Mais il y a des endroits où ça ne se développe pas. Il y a des endroits où ça se termine par le martyr de l'apôtre. Et tous les apôtres ont terminé par un martyr, y compris Jean, mais Jean il va y échapper quand par un miracle, mais tous vont passer par le martyr. Comme avec André, ça. Hein? Pas si vite que ça, c'est en 45, ça fait 15 ans. 15 ans, ça fait quand même 5 cycles de 3 ans. Ça fait 5 cycles. Non, faut pas minimiser ces trucs-là. Hein. Mais c'est qui l'apôtre des causes désespérées, comme on dit là ? Jude. Ah, c'est Jude, Il meurt en 65. Mais il a essayé désespérément de revenir, il enseigne dans le Chaldée, il revient pour essayer de convertir les Juifs, et il n'y arrive jamais. Parce qu'à chaque fois, on le persécute, on a une chose comme ça, il est obligé de partir, et la dernière fois, il ne le tue. Donc, et pourquoi c'est Jude ? Parce que Jude est le cousin germain de Jésus. Il va être tué en dernier parce que c'est son frère qui est plus aîné que lui et qui est le prince héritier, hein, puisque les deux autres ont dit qu'ils n'avaient pas, enfin, ils sont restés un peu à distance de ça. Et donc, Jacques est à Jérusalem et le prince héritier. Donc, c'est quand même le prince héritier de David, quand même, pour ne pas aimer. Hein, donc, on ne peut pas le tuer comme ça. Qui profite d'un moment où les gens sont fous, où ils commencent à aller les prémices de l'effondrement de Jérusalem, c'est qu'ils en vont profiter pour le tuer. Ça va ? On peut s'arrêter à peu près, mais ce que je voudrais que vous ayez compris, c'est le racinement dans des choses simples de ce qui est fait par Jésus. C'est-à-dire que je pense qu'on doit se tromper quelque part dans notre nouvelle évangélisation quand on explique qu'on va approcher les gens par l'art en montrant les tableaux du Louvre pour faire comprendre la grande culture catholique, chrétienne, etc. Je suis d'accord, c'est vrai, mais c'est quand même pas ça. C'est quand même pas ça. C'est-à-dire que qu'on ait envie de reconstruire tout ce qui est merveilleux autour, qu'on ait envie d'être capable de reconstruire les cathédrales, je suis bien d'accord, mais reconstruire les cathédrales sans la foi des bâtisseurs, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Ça ne sera pas des cathédrales. Ce n'est pas possible. Donc il faut d'abord reconstruire la foi. Et reconstruire la foi, c'est reprendre les textes et puis arriver petit à petit à comprendre. L'école d'hiver, c'est la remémoration de ce qui a été donné en Jésus. Voilà. C'est les trucs essentiels, parce que Jésus fait aussi du développement pour essayer de expliquer, etc. Des choses. Et puis il le répète une fois, parce que dans ce système-là, vous voyez bien qu'il faut convertir des villages et des villages, alors qu'on répète tout le temps la même chose. Et donc, alors ça, c'est aussi quelque chose qui est une des forces de la tradition orale, c'est que personne en tradition orale ne considère que de répéter, c'est bête. Ça, c'est vraiment un truc qu'on vous met dans la tête que vous répétez, c'est bête. Non, répétez, si c'est vrai, c'est vrai. Et puis, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas ce genre de prévention. Donc, le problème, c'est d'arriver à... Bon, Vous avez un petit exemple, puisque je suis en, j'allais donner un certain nombre de gens sur, le, sur le, l'histoire du comment, de bœuf et de l'âne. Vous avez un petit texte d'Évangile qui parle de, du bœuf et de l'âne. Et si on veut, rigoler de l'Évangile, on peut rigoler de l'Évangile, mais derrière, il y a quelque chose qui est extrêmement important à comprendre et qui est l'art de se mettre en, de mettre en soi un texte. Donc c'est quelque chose qui est très, très, très simple. Et tant qu'on n'arrive pas à ce niveau de simplicité, on ne peut ni comprendre une crèche de Noël, qui est typiquement un produit de François d'Assise, mais qui est un produit de simplicité. Hein, voilà, je contemple la scène et je me dis qu'est-ce que ça me dit ? Qu'est-ce que me dit cette scène que j'ai reconstituée ? Est-ce qu'elle elle s'est passée, elle est réelle, elle s'est passée, et est-ce qu'elle me transmet quelque chose ? Bon. Ben, de la même façon, vous avez continuellement dans l'Évangile un certain nombre de choses, et il faut le coup les comprendre. Il faudra peut-être plusieurs années pour les comprendre. En général, c'est le minimum, plusieurs années. Parce qu'on peut toujours encombrer ces choses-là de choses qui ne sont pas spirituelles. Tant qu'on n'a pas, tant qu'on ne s'est pas installé dans le monde suffisamment spirituel, on va polluer le texte de l'Évangile. Parce qu'on est pêcheur. Donc il faut petit à petit prendre ce texte et arriver à le mettre en soi. Et le bœuf et l'âne. Voilà. Le bœuf et l'âne. Voilà. Il faut arriver à mettre en soi le bœuf. Donc si on n'a pas compris que Jésus veut que nous aider à porter les fardeaux, et qu'il y a deux façons d'aider à porter les fardeaux, c'est soit que lui-même prendre sur lui une partie des fardeaux, et à ce moment-là, il allège les fardeaux. Et alléger les fardeaux, c'est avancer plus facilement dans la vie. Puisque l'analogie, c'est quand vous portez quelque chose de très lourd, vous savez que vous avancez lentement. Parce que dans le balancement que vous faites pour avancer, pour porter, vous êtes obligé à chaque fois de ressoulever. Hein, parce que quand on déplace un pied, le centre de gravité descend un petit peu. Pour remonter la charge chaque fois. Donc, quand les charges sont trop lourdes, on peine, et on passe son temps, on voit les gens qui passent leur temps à essayer de faire ça. Hein. Quand vous n'avez pas porté le sac de blé, là, quand vous vous roulez, il faut faire cette expérience, c'est intéressant. Hein. Bon. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui se passe, hein, qui est de ce domaine-là, et c'est vrai que si on peut vous soulager, si vous avez deux sacs de blé et que Jésus en prend un, c'est bien. Hein? Et puis de la même façon, quand vous êtes. Alors qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Qu'est-ce que devient Jésus dans ces conditions-là? Il devient le petit âne qui est à côté de vous. Le petit âne que vous prenez justement, puisqu'on a parlé de comment on faisait pour porter les choses. On loue un petit âne, et bien Jésus devient le petit âne, et puis il va porter une partie. Alors en fait, c'est même pire que ça, puisqu'il se compare à l'agneau pascal qui prend sur lui les péchés. Mais c'est une analogie. Et donc on peut bien la comprendre seulement si on comprend que l'âne vous soulage. Hein. Et de la même façon, le bœuf va vous soulager parce que le poids du joug avec le bœuf est un poids beaucoup plus faible que le porté. Puisque cette fois, vous tirez votre chose. L'aide, c'est pas le petit âne, c'est le chariot qui est derrière. Hein, vous tirez. Et donc vous avez déjà vous tirez que la moitié parce que Jésus tire la deuxième partie. Donc, et puis il y a quelque chose qui se passe, c'est que si vous avez conduit des bœufs, ça m'est arrivé quand même, quand vous avez conduit des bœufs, il y a un bœuf qui dirige les deux. Hein. Et donc le travail est beaucoup moins dur pour l'autre parce qu'il rythme la marche. Et au cours de la marche, je ne sais pas si vous avez remarqué comment ça marche avec les bœufs, les bœufs font comme ça, ils viennent s'appuyer l'un contre l'autre, hein, à mesure. Ils viennent s'appuyer puis ils se séparent. Hein. Et en faisant ça, donc ça vous aide à tirer. Hein, voilà. Donc Ces comparaisons, quelque chose qui a une saveur complète, qu'il faut arriver à sucer jusqu'au bout. Parce que si on ne suce pas cette saveur-là, on ne peut pas, quand on est en train de traîner quelque chose de lourd en soi, on ne peut pas penser que Jésus le porte avec nous, a le même joug que nous, et est avec nous en train d'avancer. C'est ça qu'il veut nous dire. De la même façon, quand on porte sur lui, ben, sur notre loup, ben, il va être le petit homme derrière qui va porter. Alors si ces choses-là ne sont pas vivantes en vous, l'évangile n'a plus de saveur, c'est fini, c'est rien. Ça va ? Bon, on arrête là. Bonne soirée. Merci. Le proto-évangile de Jacques, c'est Jacques. Jacques le Ménard, oui, c'est Jacques le Ménard. Oui. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas fait un travail dessus, alors qu'il faudrait premièrement travailler sur cette histoire. Et puis deuxièmement, faire de la situation sûrement grandi un peu, il faudrait faire une vraie étude dessus qui n'a pas été faite par personne. Parce que c'est un apocryphe, donc on le met de côté. On ne peut rien dire. Oui, mais c'est la tradition familiale, quoi. C'est la tradition familiale, ça vaut rien, donc on le met de côté. Donc là, c'est terrible. Oui, c'est absolument terrible. On ne peut pas enlever l'évangile comme ça, on déshabille, on déconstruit l'évangile avec obstination. Mais alors les apocryphes, c'est gâteau. On prend dedans ce qui est complètement stupide pour dire regardez comme c'est stupide, sans avoir en général connaître comment ça fonctionne dans ce truc-là, hein, parce qu'il y a aussi des analogies dans ce truc-là qui se font, qu'on fait régulièrement dans des veillées ou dans des choses comme ça, donc c'est normal qu'il y ait ça, et il faut comprendre. Si on ne comprend pas. Donc là, il faut repartir vers des choses simples. Nous sommes trop simples.